Les accords de Paris sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre ne sont pas respectés. La température de la Terre continue à grimper inexorablement, visant les 4, peut-être 5 degrés d'augmentation à la fin du siècle. Les cataclysmes climatiques se multiplient face à cette situation hors de contrôle. Il ne reste plus que le scénario Tina. There is no alternative, modifier artificiellement le climat pour faire redescendre le thermomètre. Si ce scénario est aujourd'hui encore de la fiction, ces techniques, elles, sont à l'étude depuis la moitié du siècle dernier et elles ont un nom, la géo-ingénierie. Géo-ingénierie, les mécaniciens du climat, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour mettre les mains sous le capot de la planète, disons-le comme ça, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernadette Binceau-de-Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire et de philosophie des sciences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous accueillons également Olivier Boucher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes et en direct sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors pour commencer, et on va évidemment parler tout au long de cette heure de ce qu'est la géo-ingénierie et en quoi elle consiste, mais finalement cette idée de modifier le climat de la main de l'homme, c'est presque un rêve aussi vieux que l'homme lui-même, Bernadette Binceau-de-Vincent. Pas tout à fait quand même, pas tout à fait aussi vieux que l'homme lui-même, heureusement. Mais disons que les projets ont été développés dans le contexte de la guerre froide. C'est-à-dire à l'époque où le RSS et les États-Unis se faisaient face avec l'arme nucléaire. Et à ce moment-là, il y a eu plusieurs recherches très développées et plusieurs essais extrêmement avancés d'essayer de provoquer des déchaînements climatiques dans les pays adverses. Donc, c'est une situation de guerre et on peut se demander contre quoi on est en guerre aujourd'hui. Olivier Boucher, le début, donc les racines de cette géo-ingénierie, ce sont effectivement donc des racines militaires. On veut se servir du climat contre quelqu'un d'autre, contre l'ennemi. On peut faire plusieurs liens. On peut faire effectivement le lien vers une sorte d'arme pour déchaîner le climat. Il y avait aussi des tentatives ou des idées, des concepts qui étaient là pour essayer d'améliorer l'habitabilité de certaines régions qui étaient un petit peu hostiles à l'homme. Et puis enfin, il y a aussi un lien qui peut être fait avec les techniques de modification du temps où on voudrait faire pleuvoir, on voudrait gérer le temps qu'il fait au jour le jour. Alors on va voir effectivement, pour retracer un peu les débuts de cette histoire militaire, que cela est entré en application. Écoutez cette archive, c'était le journal télé, on est en 1972. Il y a aussi un nouvel aspect de cette guerre au Vietnam sur lequel je vous propose de nous arrêter un instant. Il s'agit de la guerre météorologique. Selon plusieurs journaux, en effet, des journaux américains en particulier, les Américains précisément, de façon à gêner les mouvements des troupes ennemies, réussiraient actuellement à provoquer des chutes de pluie sur certaines zones de combat. Cela peut paraître surprenant. Et pourtant, ce n'est pas une technique tout à fait nouvelle, François de Closet. Non, absolument pas. Et c'est ce que vont nous montrer ces images. Une fois de plus, il s'agit de recherches pacifiques qui sont reprises à des fins guerrières. Car les aviateurs que nous allons découvrir dans cet avion, eux, ne partent pas du tout à l'assaut de position ennemie. Ils partent attaquer ou s'entraîner à attaquer des ouragans. Mais en fait, ce sont les mêmes techniques, il faut bien le dire, qui sont utilisées dans les deux cas. Alors très schématiquement, il va s'agir de faire crever un nuage en répandant dans ce nuage, depuis l'avion, certaines substances. Alors comment se pose le problème? Eh bien, si vous voulez, un nuage, c'est une énorme concentration de gouttelettes d'eau et d'eau liquide, ce qui est curieux, parce que le nuage peut être à moins 30 degrés, bien qu'il y ait des gouttelettes d'eau liquide. Et il semble qu'au moment où se produit le processus de la précipitation, de la pluie, il y ait une cristallisation de nombreux petits cristaux de glace qui se fassent dans le nuage. Alors, ce que l'on essaye par cet ensemencement, comme l'on dit, avec les produits comme de l'iodure d'argent qu'on utilise le plus souvent, eh bien, on essaye en répandant ces petits cristaux dans le nuage de provoquer artificiellement cette glaciation, c'est l'apparition de ces petits cristaux de glace pour faire la précipitation. Et précisément, les cristaux d'iodure d'argent ressemblent beaucoup à des cristaux de glace, et c'est pourquoi autour de ces petits cristaux, l'eau va former, développer les petits cristaux de glace, et on va artificiellement provoquer la pluie. Alors il y a près de 25 ans qu'on étudie ça. C'est pas nouveau, non ? Il y a des résultats intéressants, et puis à d'autres moments c'est décevant. On a beaucoup de mal à maîtriser tout ça. C'est pourquoi ces techniques qui sont très intéressantes pour l'avenir n'ont pas encore connu un très grand développement. Voilà, elle n'avait pas encore connu un très grand développement en 1972, c'était il y a plus de 40 ans, 45 ans, une réaction peut-être à ces archives, Bernadette Binceau de Vincent, Olivier Boucher, Bernadette Binceau de Vincent, ou Olivier Boucher comme oui, vous voulez. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de recherches dans les années 60, 70, sur la modification du temps, sur le contrôle des précipitations, et puis on s'est rendu compte que ça marchait pas très bien, qu'on n'arrivait pas vraiment à contrôler les précipitations, et que c'était un petit peu vain de vouloir contrôler le temps qu'il fait. Et donc, le concept a évolué vers justement la modification du climat, où là, on ne cherche pas à contrôler le temps qu'il fait au jour le jour, mais la moyenne du temps, donc le climat, dans sa moyenne. Bernadette Binceau de Vincent. Sur cette archive ou sur l'évolution justement des recherches en géo-ingénierie. Oui, je pense qu'il est, il est important en tout cas de bien distinguer les ingénieries météorologiques des ingénieries climatiques. Mm-hmm. Ça n'est pas la même échelle. Et on va voir que la question de l'échelle qui définit précisément la géo-ingénierie est cruciale. C'est-à-dire que c'est au niveau global et avec une échelle de temps qui est aussi beaucoup plus importante. Et donc, c'est là que les problèmes se posent vraiment. Les interventions sur la météo, à la limite, posent moins de problèmes, mais elles ne marchent pas mieux. Mmh. Je crois que l'efficacité est aussi assez contestable, mais elle est encore plus contestable parce que les phénomènes sont plus complexes quand il s'agit du climat. Mmh. Alors, sur les usages militaires, il y a une convention de l'ONU à la fin des années 70 qui vise à interdire d'utiliser des techniques de modification de l'environnement donc à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. 74 pays sont signataires. Les recherches pourront en continuer. À quel moment on commence à penser la géo-ingénierie, comme vous le disiez, Bernadette Binceau de Vincent, pour modifier le climat et peut-être pour compenser justement les dérives du climat et l'influence anthropique sur le climat terrestre, Olivier Boucher? Je crois que la première fois où on entend parler, c'est en 1965, où il y avait déjà... on réalisait déjà qu'il y avait un changement climatique qui risquait de se produire du fait de l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, on retrouve trace en 1965 aux États-Unis d'une mention d'utiliser la géo-ingénierie du climat pour contrecarrer cet effet de serre. Mais après, c'est un petit peu... on n'a pas trop parlé. Et c'est seulement dans les années 2000-2006 où là, il y a vraiment eu un tournant où c'est vraiment revenu en première ligne. Bernadette Binceau de Vincent, au départ, il faut dire que si la géo-ingénierie, et puis on va voir quels sont les problèmes, ils sont nombreux, et notamment les problèmes éthiques que cela peut poser, mais si elle a relativement mauvaise presse, c'est aussi entre autres parce qu'au début, ces techniques sont brandies par les climato-sceptiques qui disent justement, on peut intervenir sur le climat, donc c'est pas très grave. Oui, je dirais que les climato-sceptiques ont un peu évolué de ce point de vue-là parce que ils n'en sont plus au déni, il me semble, au déni complet d'une crise climatique. Certains vont même jusqu'à reconnaître que c'est d'origine anthropique, mais il n'empêche que la solution géo-ingénierie leur paraît tout à fait naturelle. Je prends comme exemple Rex Tillerson, mm-hmm. qui est l'ancien PDG de Exxon et qui est aujourd'hui secrétaire d'État de l'administration Trump. Et il me semble que en 2012, il déclarait de manière très claire, la crise climatique est un problème d'ingénieur susceptible d'une solution d'ingénieur. Voilà. C'est-à-dire que il n'y a pas l'ombre d'un doute pour les climato-sceptiques, qu'on y arrivera qu'on trouvera des solutions techniques, des solutions d'ingénieurs. C'est une affaire d'investissement de dollars et point, c'est tout. Voilà. Mmh. C'est une réponse qui est la réponse que j'appellerais techno-optimiste. mais qui est aussi assez effrayante après quand on voit les problèmes qu'elle peut poser. Alors la géo-ingénierie a intéressé au fur et à mesure de plus en plus de monde, de plus en plus de chercheurs, avec aussi l'évolution des moyens techniques qui permet d'avoir une emprise ou en tout cas d'imaginer des solutions qui étaient inenvisageables il y a encore quelques dizaines, quelques vingtaines d'années. Et puis le vent tourne puisque le GIEC a consacré une partie de l'un de ses rapports de 2013 à la géo-ingénierie. Vous-même, vous avez tous les deux collaboré à un rapport rendu par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, en 2014. Aujourd'hui, ça veut dire que la géo-ingénierie s'est rachetée un petit peu une sorte d'image auprès des scientifiques et auprès de la communauté des chercheurs. Olivier Boucher, ça veut dire qu'on peut commencer à penser vraiment des solutions de géo-ingénierie pour contrecarrer certains effets néfastes du réchauffement climatique ? Oui, le contexte, c'est quand même le réchauffement climatique qui est avéré, avec donc, des températures qui augmentent, des impacts qui commencent à se faire sentir, et puis aussi un climat, enfin, des incertitudes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'à quel point il sera facile ou difficile de réduire les émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à quel point le climat est sensible à ces émissions de gaz à effet de serre, et puis s'il est facile ou non de s'adapter au changement climatique. Donc la géo-ingénierie vient répondre à cette problématique. Bernadette Berceau de Vincent, sur cette thématique, sur l'image collective de la géo-ingénierie qui serait devenue un peu plus positive, un peu moins sulfureuse, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, puisqu'on va parler de l'injection de soufre dans les nuages tout à l'heure, mais qu'elle l'était auparavant. Je ne suis pas sûre que dans les milieux européens, en tout cas, certainement aux États-Unis, avec l'arrivée de l'administration Trump, elle est très très populaire. En Europe, j'ai plutôt l'impression que on commence à faire retraite. En particulier, je rappelle les conclusions de notre atelier exploratoire pour l'ANR. Les conclusions étaient très fermes. C'était non à la recherche de solutions techniques, si je me rappelle bien. C'était diriger les recherches plutôt vers l'ingénierie écologique, qui est quelque chose de différent, hein, qui n'est pas du tout à la même échelle. Et c'était surtout d'orienter la recherche vers la limitation des émissions de CO2 de manière à ralentir le réchauffement climatique. Donc c'était quand même assez... Assez net. Ces conclusions sont effectivement assez nettes et on va reparler au cours de cette heure de ces problématiques. Oui, Olivier Boucher, vous vouliez réagir ? Oui, parce que on voit que c'est un sujet qui pose des controverses, puisque je pense que les conclusions étaient peut-être pas tout à fait celles-là. Et en particulier, on n'a pas dit qu'il ne fallait pas faire de recherche sur le sujet. Effectivement, on était très sceptiques par rapport aux solutions qui étaient proposées, sachant qu'il y a d'autres solutions aussi à mettre en œuvre. Mais je pense pas qu'on ait dit qu'il fallait pas faire de recherche. Et donc, se pose la question du financement de ces recherches, à savoir est-ce qu'il faut consacrer de l'argent à la recherche en géo-ingénierie, ou faut-il consacrer tout cet argent à la recherche pour limiter le réchauffement climatique aujourd'hui? On verra que ce sera l'un des enjeux du débat et des questions éthiques que pose ses travaux sur la géo-ingénierie. Il est 16h, bientôt 15 minutes sur France Culture. Nous parlons de géo-ingénierie tout au long de cette heure en compagnie de Bernadette Binceau de Vincent, qui est professeur d'histoire et de philosophie des sciences, et Olivier Boucher, qui est directeur de recherche en météorologie dynamique. Alors depuis les années 40, on l'a entendu, la recherche en géo-ingénierie a évidemment beaucoup progressé. On ne se contente plus d'envoyer des sels dans les nuages pour faire pleuvoir, comme vous avez pu l'entendre dans l'archive tout à l'heure, et comme le pratique d'ailleurs encore aujourd'hui la Chine dans certains secteurs, mais on réfléchit donc à compenser les émissions de gaz à effet de serre et de dioxyde de carbone et le réchauffement de l'atmosphère. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous vous êtes donc vous-même intéressé au projet CarbFix en Islande, un projet qui a impliqué des équipes de recherche françaises. Oui, parce que c'est depuis 2008 en Islande, sur le site de la centrale géothermique d'Elishaidi, qu'est menée cette expérience CarbFix. L'idée de l'expérience, c'est de réinjecter le CO2 émis par cette centrale dans les couches profondes du sol, à environ 800 mètres, où des micro-organismes pourraient minéraliser le CO2. À l'Institut de physique du globe de Paris, une équipe de chercheurs qui accompagne depuis 2008 ce projet et en observe les effets sur la biosphère profonde. Parmi ces chercheurs, j'ai rencontré Bénédicte Ménez, qui est géobiologiste et qui étudie les interactions entre le monde minéral et le monde vivant. Quant à Emmanuelle Gérard, qu'on entendra dès le début du reportage, elle étudie les micro-organismes présents dans ces couches profondes et qui sont encore très largement méconnus. C'est un projet qu'on a commencé en 2008. Au départ, quand ce projet a commencé, il n'y avait pas du tout d'études microbiologiques qui étaient envisagées. parce que les géologues, les géochimistes et les industriels qui travaillaient sur le projet n'avaient pas conscience qu'il pouvait y avoir de vie à cette profondeur, à cette température, donc à 800 mètres de profondeur, dans des nappes phréatiques à 50 degrés environ. Ils ne pensaient pas du tout que ça pouvait interférer avec les expériences d'injection de CO2 en subsurface. C'est vrai que, par exemple, en Islande, quand on y est allé avant qu'ils ne commencent leurs opérations, Emmanuel, la diversité qu'elle a mis en évidence, montrait que 60% des espèces étaient des espèces inconnues. Et donc, du coup, il n'y avait aucun moyen d'anticiper sur quelle pouvait être leur réaction et quelle pouvait être leur degré d'implication, puisqu'on va chercher à faire réagir un CO2 qui est loin d'être un gaz inerte, puisque c'est un gaz acide qui va amener les eaux à un pH autour de 4-5. Et donc, du coup, ça va faire réagir la roche. La roche va d'elle-même relarguer des éléments, et tout ça, si on ne prend pas en compte forcément l'aspect bio, eh ben on va peut-être se tromper un peu dans les prédictions qu'on cherchera à faire. Jusqu'à quelle profondeur il peut aller, ce CO2? Alors, il y a un forage, effectivement, qui amène le gaz aux environs de 300 mètres de profondeur, parce que à cette pression-là, en fait, il va instantanément se dissoudre dans les eaux souterraines, et donc, du coup, après, il descend par l'intermédiaire de tubages dans l'aquifère dans lequel il est censé être stocké, qui est, lui, situé entre 400 mètres et 800 mètres de profondeur. Et là, par le jeu de la circulation régionale des eaux souterraines, il va être amené sur une zone qui s'étend à peu près sur 2-3 km. Et quelle quantité de CO2 peut être ainsi injectée? Alors, ils espèrent effectivement en injecter des millions de tonnes. Et comme à la surface du globe, il y a pas mal de basalte, des roches de ce même type qui sont à l'affleurement, ils espèrent du coup, de par l'abondance de ces roches, pouvoir répondre aux besoins de stockage actuel de CO2. Oui, mais le premier test qui a été fait, donc à une température compatible avec le développement de la vie, a dû être arrêté, car le puits s'est bouché et on a pu constater que ce bouchage était lié à l'activité, au développement des micro-organismes qui se sont nourris des éléments injectés au cours de l'injection du CO2 et des gaz accompagnants. Là, ce qui s'est passé lorsqu'ils ont stimulé le développement de la biomasse par des injections de CO2, c'est que du coup, il y a eu une forte augmentation de cellules bactériennes qui, pour attacher à la roche, créent ce qu'on appelle un biofilm. Et donc, du coup, ça a aggloméré des tas de particules. Les organismes qui étaient des organismes qui utilisaient le soufre, le fer, à la fois présents dans les gaz injectés, dans les basaltes, ont créé de nouveaux minéraux qui ont bouché tous les pores de la roche, tous ensemble agglomérés dans ce qu'on appelle justement ce fameux biofilm qui a dès lors réduit considérablement l'injectivité du site. Donc désormais, ils injectent à haute température, bien au-delà de la limite qu'on connaît pour le développement des organismes. Et donc à 250 degrés, il n'y a vraisemblablement plus du tout cette présence microbienne qui va interférer sur le devenir du gaz carbonique injecté. Comment est-ce qu'on vérifie, on mesure la réaction de la biosphère profonde à ces injections de CO2? Comment vous y prenez? Dans ce site pilote, en fait, il y a un puits d'injection et il y a ensuite plusieurs puits qui permettent de prélever les eaux en aval du site d'injection. Et on a pu prélever les eaux dans le puits le plus proche de l'injection pendant plusieurs mois après l'injection. Donc, à partir de ces eaux, on peut collecter les micro-organismes sur des filtres, sur plusieurs litres d'eau, extraire l'ADN de ces organismes et chercher l'identité de ces micro-organismes. Et on a vu qu'on avait une multiplication très importante de micro-organismes, une multiplication d'un facteur au moins 500 qui consommait le CO2 injecté, mais aussi les cations, le fer, le calcium, le magnésium qui étaient issus de la roche dissoute par le CO2. Est-ce que cette technologie comporte quelques risques? Les risques peuvent être des risques liés à la faiblesse des roches couvertures qu'on va utiliser dans ces sites. Par exemple, des choses qui n'ont pas du tout été anticipées parce qu'effectivement le côté réactivité des micro-organismes était tout nouveau. Mais quand on a eu la chance, après les injections, de participer à une opération de forage sur ce site, et pour pouvoir aller au-delà de la première étude qui avait été faite sur les eaux souterraines, parce qu'en prélevant uniquement les eaux, on a une vision que partielle de ce qui a pu se passer. Et là, vraiment, on a récupéré 150 mètres de roches dans lesquelles on va pouvoir vraiment observer quelle a pu être l'interaction de ce CO2 avec la roche et avec les écosystèmes qui s'y développent. Et ce qui est impressionnant, ce que vous pouvez voir sur ces photos. Donc, à partir du moment où on a foré, on a trouvé dans toutes les fractures cette espèce de matériel gluant, un petit peu avec des couleurs vertes et rouges, qui pourraient être ces fameux biofilms. On est en train de les caractériser, donc la réponse arrivera dans quelques mois. Et donc, les couleurs que vous voyez associées pourraient être des minéraux qui sont issus du coup de cette activité microbienne et qui a mobilisé le CO2 pour se développer et non pas former des carbonates, mais du coup, comme minéraux secondaires, on aurait plutôt des oxydes de fer et des argiles, et c'est ce qu'on cherche à caractériser. Donc, mais ce qui est impressionnant, c'est que dans tous les trous, vous voyez cette roche, et c'est des choses qu'on n'avait jamais vues, elle apparaît comme extrêmement rangée. Ces petits trous-là sont normalement des petites vésicules de gaz qui sont piégées dans le basalte. Là, ils apparaissent comme étant colonisés par ce même matériel qui ressemble à un biofilm. Et donc, du coup, on a l'impression, et c'est dans cette voie qu'on explore actuellement ces échantillons, qu'on a eu une altération accélérée de la roche de par l'effet local de la présence de cette biosphère profonde. Donc, d'un point de vue mécanique, déjà, là, ça pose des questions, etc. Voilà le projet CarbFix en Islande, le reportage du jour d'Antoine Beauchamp. J'aimerais, vous avez écouté très attentivement l'un et l'autre, et j'aimerais vos réactions à ce reportage et à cette expérimentation. Olivier Boucher, pour commencer. Je pense que ça montre bien la complexité des choses, en l'occurrence la complexité du cycle du carbone et donc aussi la complexité du climat également. Mais néanmoins, ces recherches, elles sont nécessaires. Il faut les faire, il faut comprendre les choses parce qu'il est très probable qu'on ait besoin de stocker du dioxyde de carbone, c'est le principal gaz à effet de serre. Et même dans les scénarios climatiques les plus optimistes, on a besoin de stocker du carbone. Bernadette Binceau de Vincent. Oui, effectivement, la complexité est accrue ici par l'intervention des microbes. Mmh. Et c'est typique de ce genre de recherche. Depuis qu'on sait séquencer des millions et des millions de bactéries, on a mis beaucoup d'espoir dans les bactéries extrémophiles, c'est-à-dire celles qui s'adaptent à des conditions extrêmes. Et cet exemple montre la difficulté. On ne dompte pas les bactéries. On peut dompter des animaux, mais les bactéries, elles nous surprendront toujours. Et je pense que on ne peut pas faire sans elles, en plus. Et cet exemple montre que même la solution la plus raisonnable, qui est celle du stockage du CO2, et comme le dit... Dans la roche, donc. Dans la roche. Même celle-là va poser d'énormes problèmes environnementaux. On entend quelque chose, une bascule à un moment donné dans le reportage qui est intéressante, et on a l'impression que cette bascule-là, on peut la faire pour toutes les techniques que nous allons passer en revue dans quelques minutes, c'est oui mais. C'est-à-dire que ça fonctionne, mais il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a toujours des conséquences inattendues, il y a toujours des problèmes difficiles à envisager à moyen, à long terme, c'est la réalité, Olivier Boucher. Oui, le changement climatique aussi a des risques, hein, et donc on réfléchit à ces techniques qui sont loin d'être parfaites et qui ont aussi des risques, mais qui sont des risques différents, qui sont pour certaines techniques des risques plus importants, pour d'autres techniques on ne sait pas encore. Mais vraiment, voilà, au final, c'est des analyses risque contre risque qui sont à faire. Hein. C'est difficile. Et j'aimerais donc qu'on fasse un peu un tour d'horizon des différentes pistes hein, qui sont aujourd'hui à l'étude, outre ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on appelle la météorisation des roches souterraines, c'est-à-dire d'injecter du dioxyde de carbone dans les roches sous terre. Il faut dire que pour ce qui est de la lutte, c'est de la géo-ingénierie dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la compensation plutôt que dans la lutte contre le réchauffement climatique, il y a deux grandes pistes. Hein. Il y a donc ce qu'on vient d'entendre, l'extraction du CO2 atmosphérique d'une part et la gestion du rayonnement solaire d'autre part, qui sont vraiment les deux voies d'exploration aujourd'hui principales, Bernadette Binceau de Vincent, de la géo-ingénierie. Oui, climatique. Je pense qu'il y a plusieurs méthodes hein, de séquestration du CO2 et beaucoup sont à l'étude aujourd'hui, soit avec l'aide de micro-organismes, soit avec des moyens mécaniques, soit aussi dans les océans, hein, ce qui poserait d'autres problèmes environnementaux car les océans sont encore plus difficiles à contrôler. Mais l'autre technique sur laquelle on a investi beaucoup, parce qu'elle serait moins chère à première vue, c'est la gestion du rayonnement solaire. Mmh. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par les techniques liées à l'extraction du dioxyde de carbone atmosphérique. Celle qui était évoquée dans le rapport du GIEC dont je parlais tout à l'heure, qui semble finalement la plus simple, la plus écologique, la plus écolo-compatible, entre guillemets, c'est la reforestation ou l'afforestation, Olivier Boucher, c'est-à-dire finalement planter plus d'arbres. Oui, le but là, c'est d'aller rechercher du dioxyde de carbone qui est déjà dans l'atmosphère parce qu'on brûle trop de combustibles fossiles. Et donc il y a plusieurs techniques. Et la technique la plus simple, effectivement, c'est de replanter des arbres ou alors planter de la biomasse, la récolter, la brûler et stocker le dioxyde de carbone. C'est relativement simple, ça s'appuie sur la photosynthèse, donc on connaît bien. Par contre, bien entendu, il y a un problème, c'est que ça requiert beaucoup d'espace. Il faut beaucoup de superficie pour faire ça, de surface, et donc on vient en compétition avec l'agriculture. On a besoin aussi de nourrir 9 milliards, et bientôt peut-être 10 ou 12 milliards d'individus sur la planète, et donc on a un problème aussi à gérer ici. Plus éventuellement un problème de rendement qui n'est pas un rendement ingénierie, si vous m'autorisez ce néologisme affreux, qui fait que voilà, on peut pas pousser un arbre à absorber plus de CO2 qu'il ne veut en absorber. Voilà, la photosynthèse est un processus qui est très lent, effectivement, et très peu efficace. Quelles sont les autres méthodes d'extraction du dioxyde atmosphérique sur lesquelles des chercheurs travaillent actuellement? Oui, alors Bernadette l'a mentionné, hein, on peut utiliser les océans, soit en les fertilisant, soit en modifiant leur composition chimique. Bon, c'est pas la solution privilégiée parce qu'elle a quand même beaucoup, beaucoup d'inconvénients. En les fertilisant, c'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines régions de l'océan qui sont pauvres en fer. Et on a besoin, les micro-organismes, le phytoplancton a besoin de fer. Et donc, en rajoutant un petit peu de fer, on peut augmenter fortement la photosynthèse dans l'océan. Cela dit, le phytoplancton a une durée de vie très courte. Donc, finalement, il meurt très rapidement. Et c'est seulement le carbone qui est exporté vers le fond de l'océan qui vient vraiment faire la différence, et c'est une fraction relativement faible, et on modifie des équilibres biologiques dans l'océan. Donc c'est pas quelque chose, on continue de chercher, il y a encore quelques recherches sur le sujet, mais je dirais c'est pas une technique très prometteuse. Après, il y a d'autres techniques qui visent à utiliser les roches, à faire réagir le dioxyde de carbone sur des roches. Mais, ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage. Voilà, mais des roches à l'air libre et non pas enfouies. Non pas enfouies. Mmh. Mais c'est des réactions qui sont très très lentes. Donc il faudrait casser la roche, en faire de la poussière de roche. Donc c'est vraiment quelque chose à très grande échelle. Hein. Une activité minière qui doublerait quasiment l'activité minière actuelle. Donc c'est énorme. Et puis après. Une activité minière qui est elle-même très productrice de gaz à effet de serre. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Oui. Voilà. Bon, au final, quand même, on espère que le bilan net est négatif. Et puis ensuite, la dernière, je dirais, catégorie de ces techniques, c'est une capture chimique. Donc, comme on vient faire réagir chimiquement le dioxyde de carbone atmosphérique avec une base, et puis après, on extrait ce CO2. Mmh. Il y a toujours le problème de stockage qui se pose, mais c'est très énergivore. Il faut beaucoup d'énergie, donc des énergies décarboné, sinon ça n'aurait aucun sens. Et donc c'est probablement très coûteux également. C'est ça, c'est-à-dire qu'on se situe finalement dans des paradigmes où il faut trouver le bon ratio entre le coût financier et énergétique, les risques et la productivité en fait. Il faut trouver finalement la technique qui réussira à remplir le mieux ces trois paramètres. Oui, il y a ces trois paramètres et puis il y a aussi un autre paramètre qui est quand est-ce qu'on le fait, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Et ces techniques qu'on prévoit pour le futur. Bernadette Binceau de Vincent, que vous inspirent ces différentes voies de recherche? Pour vous, il faut tout mettre dans le même sac? Est-ce qu'il y a des techniques qui sont plus porteuses d'espoir? Est-ce qu'il y en a qui ont plus votre assentiment en quelque sorte? Je crois que c'est des techniques qui mènent à réfléchir sur notre rapport au CO2. Parce que c'est le vilain, c'est le méchant, hein, le CO2. En réalité, ce n'est pas du tout le méchant. Le CO2, il s'inscrit dans des cycles et simplement on a perturbé les cycles du carbone, parce qu'il y en a plusieurs en plus, et ils sont extrêmement complexes. Et donc c'est une question qui est beaucoup plus, qui nous amène à réfléchir sur notre ajustement à nous par rapport au cycle du carbone. Mmh. Parce que ce carbone, il existe dans la nature. C'est juste qu'on l'extrait de manière intensive, mais on ne le crée pas de nulle part. De lui-même, il se reconvertit en d'autres choses via la photosynthèse. Donc le problème, c'est, et tu l'évoquais, c'est vraiment une question de temps. c'est-à-dire d'ajuster à la temporalité de nos technologies, à la temporalité de la nature. Et au lieu de foncer en continuant à faire des émissions de gaz très très importantes au cours des deux derniers siècles et encore plus importantes au cours des dernières décennies, donc arrêtons de toujours regarder le carbone comme étant le méchant dont il faut se débarrasser. On n'aura jamais d'économie décarbonée, on n'aura jamais de technologie décarbonée, soyons clairs. Et réfléchissons plutôt à notre relation à la nature. Je crois que la géo-ingénierie pose vraiment ce problème du rapport des activités techniques à la nature. Et on va voir de toute façon qu'il n'est évidemment pas question de ne faire que l'un ou que l'autre, et que la géo-ingénierie, mais on en parlera tout à l'heure, va fort peut-être se proposer comme une solution à moyen ou à court terme face à la suite de la production de gaz à effet de serre. Peut-être un mot là-dessus, Olivier Boucher, effectivement, sur cette notion du temps et de la gestion du temps dans le cycle carbone, c'est-à-dire de la volonté d'accélérer ce temps-là pour pouvoir finalement freiner la production anthropique. Oui, bien sûr, il y a un cycle du carbone naturel, il y a une composante rapide et il y a une composante très lente qui est géologique, et donc c'est celle-ci qu'on a perturbée, mais là je dirais c'est des millions d'années, hein, donc bien sûr on peut chercher à s'adapter au changement climatique, mais c'est dans la douleur, hein, donc c'est pour ça aussi que on recherche d'autres techniques. It's one of the powerful elements, essential alive. It's our brain breaking. It's our brain breaking. Heat to fight against the cold. Light to be bold, to admire. Energy to give a force. It's one of the powerful elements, essential alive. It's our brain bringing. It's our brain bringing. Solar Energy de Funky Nico à 16h33 sur France Culture, puisque nous parlons tout au long de cette heure de la géo-ingénierie et de la façon de compenser par la technique les effets du réchauffement climatique. Nous en parlons avec Bernadette Binsaud-Vincent, qui est professeur d'histoire et de philosophie des sciences à l'Université Paris 1, et avec Olivier Boucher, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. On a parlé donc des méthodes d'extraction du dioxyde de carbone atmosphérique. On va parler maintenant de l'autre branche de la recherche contemporaine et actuelle en géo-ingénierie, la gestion du rayonnement solaire. Là aussi, Olivier Boucher, hein, comme pour l'extraction du CO2, il y a plusieurs techniques à l'étude, dont notamment ce qu'on appelle la modification de l'albédo terrestre. Qu'est-ce que c'est ? L'albédo, c'est, en termes techniques, la fraction de rayonnement solaire, d'énergie solaire qu'on renvoie vers l'espace. Donc le soleil, c'est le moteur du climat, et si on renvoie un petit peu plus, si on réfléchit un peu plus de rayonnement solaire, eh bien on refroidit la planète, et donc on chercherait ainsi à compenser le réchauffement qui est dû à l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc là, on n'agit plus directement sur la production et sur les cycles carbone, mais vraiment juste, on essaye de baisser le thermostat, quoi, simplement. Voilà, on joue sur le bilan radiatif de la planète. Et alors, comment est-ce qu'on peut, quelles sont les techniques que l'on peut envisager pour modifier cet albédo solaire ? Il y a deux techniques sur lesquelles on fait des recherches. La première consisterait à injecter des particules, on appelle ça des aérosols, des particules de soufre ou d'autres choses dans la stratosphère, la partie haute de l'atmosphère, de manière à réfléchir le rayonnement solaire. Et la deuxième technique consisterait à injecter cette fois-ci des particules d'eau de mer qui deviendraient des sels marins et qui servent de noyau de condensation pour les nuages, de manière à rendre ces nuages plus réfléchissants. Et donc, toujours pareil, pour refroidir la planète. Et avec, si j'ai bien compris, il y a tout de même un problème qui est lié en général à ces techniques de gestion du rayonnement solaire, c'est qu'il faut qu'elles soient pérennes, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles tiennent, qu'elles soient perpétuelles presque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à jouer sur ce tableau-là, ou en tout cas qu'elles durent suffisamment longtemps pour que, sur Terre, on ait le temps de retravailler, de jouer justement sur la diminution d'émissions de gaz à effet de serre, suffisamment longtemps en tout cas, pour qu'on puisse d'un seul coup finalement arrêter ces techniques de gestion du rayonnement solaire. Voilà, c'est là toute une partie du problème. On a le dioxyde de carbone qui a une durée de vie dans l'atmosphère qui est très longue, une centaine d'années typiquement, un petit peu plus, et donc qui est là pour une longue période. Alors que ces particules dont on parlait, elles ont une durée de vie très courte, peut-être un an dans la stratosphère, quelques jours dans la partie basse de l'atmosphère. Et donc, si on veut contrecarrer ce réchauffement par du refroidissement, il faut le faire en permanence, sur des décennies, voire sur des siècles. Un mot aussi pour dire, il y a un scénario qui est presque de l'ordre de la science-fiction, mais qui est intéressant à examiner, qui consisterait directement à envoyer finalement des satellites qui seraient des réflecteurs solaires en orbite pour diminuer un peu ce rayonnement. C'est un scénario envisageable ou c'est complètement de la science-fiction, Olivier Boucher ? Alors effectivement, ça a été proposé, mais c'est de la science-fiction. On peut l'éliminer. C'est pas réaliste par rapport au nombre de satellites ou le nombre de miroirs qu'il faudrait envoyer dans l'espace. C'est beaucoup trop cher. Un mot, Bernadette Binceau de Vincent, sur ces techniques ou La technique de la projection de soufre dans la stratosphère. On ne peut pas. Un des grands problèmes, c'est qu'il faudrait effectivement le faire en permanence. Et en plus, ça provoquerait un effet rebond. C'est-à-dire que si on arrête, ça risque d'être pire. C'est-à-dire un effet rebond, c'est-à-dire que si on arrête du jour au lendemain, d'un seul coup. Ça peut être pire comme les effets de réchauffement climatique. La hausse de la température devient brutale, quoi. Peut-être un effet de seuil et amplifié. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que on ne peut pas vraiment l'expérimenter. Voilà. Alors on a des simulations, certes. Mais on ne peut pas l'expérimenter. Et on a des analogues naturels, notamment les éruptions volcaniques, et en particulier l'éruption du Pinatubo, qui a permis d'observer que pendant un certain temps, je pense que c'était l'effet d'une ou deux années, il y a eu un refroidissement assez général sur la planète. Donc il y a beaucoup d'études qui se développent autour des analogues naturels, comme un palliatif à l'absence d'expérimentation. Mais en même temps, il faut se rendre compte que c'est très très limité. Les inférences qu'on peut tirer de ces analogues naturels ne vont pas très très loin. Et surtout, ce qui est à éviter, c'est de croire que si la nature l'a fait, on peut le faire. Voilà. C'est-à-dire d'en tirer une licence morale de ce qu'il y a des éruptions volcaniques ou il y a des phénomènes météorologiques qui peuvent donner parfois des idées d'intervention sur le climat. Et je pense que là, il faut être extrêmement prudent et y aller toujours sur la pointe des pieds, si je peux dire. Il y a une expérience qui doit être tentée prochainement en 2018 par le physicien américain David Kiss, qui va tenter d'injecter des aérosols sur une zone limitée hein, dans la stratosphère au-dessus de l'Arizona via un ballon sonde. C'est un vrai problème, ce problème expérimental, en tout cas la difficulté à expérimenter ces techniques. C'est un problème scientifique d'envergure tout de même, Olivier Boucher. Oui, Bernadette l'a très bien dit. Hein. Il y a des analogues naturels, mais qui ont des limites, puisqu'on va bien au-delà de l'analogue naturel. On a l'outil de modélisation aussi qui nous permet en laboratoire de comprendre ce qui se passe, mais il faut rester humble, nos modèles sont loin d'être parfaits et il y a beaucoup de choses qu'on peut pas anticiper. Et donc, il y a une vraie question qui se pose par rapport à l'expérimentation, est-ce qu'on doit la faire, est-ce qu'on ne doit pas la faire? Et dans le cas que vous citez, David Kiff lui veut regarder s'il y a un impact de ces particules sur la couche d'ozone, puisque effectivement dans la stratosphère, il y a la couche d'ozone qui nous protège du rayonnement ultraviolet, et donc il s'agit pas de de la détruire. Et encore une fois, il y a des risques associés à ces techniques. Et puis pour revenir sur les considérations éthiques que nous évoquions au début de cette émission, la notion de coût financier, économique, est importante, puisque dès lors que le coût économique devient supérieur à celui qui a été évoqué par le rapport Stern, c'est-à-dire des 2% du PIB mondial dans la lutte contre le réchauffement climatique, et bien si les techniques de géo-ingénierie deviennent plus chères que celles-là, et bien du coup on marche sur la tête en quelque sorte, Olivier Boucher. Il faut que ce soit un coût très très maîtrisé, que ça ne coûte pas plus cher que lutter contre le réchauffement climatique finalement. Oui, alors bon, il faut pas non plus tout mettre sur le plan des coûts, mais il y a le coût de la réduction des gaz à effet de serre, il y a un coût associé aux impacts du changement climatique, à l'adaptation, il y a un coût lié à la géo-ingénierie dont on dit qu'il est faible, mais c'est peut-être un mythe, hein, on ne sait pas, je pense qu'on ne maîtrise pas ces coûts, et effectivement, il faut aussi réfléchir à des scénarios du pire où on commence des techniques de gestion du rayonnement solaire et puis on se rend compte que pour une raison ou une autre on ne peut pas continuer et là il y a ce réchauffement très rapide puisqu'il y a un rattrapage climatique qui se produit et donc c'est un des risques principaux je dirais de ces techniques. Oui, je crois que la question des coûts est tout à fait irrélevante si je peux dire, c'est-à-dire qu'elle laisse croire qu'on peut faire avec ces techniques envisagées, qu'on pourrait faire un calcul bénéfice-risque. Or, en étant d'incertitude, situation d'incertitude, c'est pas une situation de risque, parce que les risques ne sont pas avérés et on ne peut pas les déterminer et on ne peut même pas les anticiper tant qu'on n'a pas vu ce que ça va produire. Donc, quand on est dans une situation d'incertitude, il n'y a pas 36 solutions, c'est la précaution. Et non pas ni la gestion des risques habituels, le management, ni la prévention. C'est vraiment une question de précaution. Deuxième problème que posent ces techniques, vous dites on va faire une expérimentation dans l'Arizona, mais qui décide de cette expérimentation? C'est un problème qui est global. Or, si un pays décide de faire des expérimentations ou une entreprise privée qui la finance par... Et il y a des entreprises privées actuellement qui financent la géo-ingénierie, ça pose un problème de pratique. Le climat, c'est un bien commun. Hein, l'atmosphère, c'est un bien commun. La biodiversité, c'est un bien commun. Donc, normalement, ça doit relever d'un gouvernement international, d'une décision internationale. Personne, aujourd'hui, n'est habilité à le faire. Il faudrait avoir des traités, c'est-à-dire des solutions politiques, du genre de la dissuasion nucléaire ou du genre de quelque chose comme ça. Et encore, on voit bien que la dissuasion nucléaire, ça marche coup-ci, coup-ça. Surtout récemment. Oui. Ça a marché à peu près jusqu'à maintenant, mais on n'en est pas très sûr. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème de gouvernance de ces questions-là et qu'on est très, très loin d'être dans des conditions de pouvoir mettre en œuvre de telles expérimentations. Alors, à défaut de gouvernance et de réflexion internationale et globale, dont on imagine bien toute la complexité quand on voit déjà ce qui se passe pour la lutte contre le réchauffement climatique et les accords internationaux, notamment le dernier en date, l'accord de Paris, il y a tout de même des principes qui ont été énoncés, qui pour le moment régissent un peu, ou encadrent en tout cas la recherche en géo-ingénierie, sont les principes d'Oxford. Vous pouvez nous en toucher un mot, Olivier Boucher? Oui, je peux. Ou Bernard Binsel-Vincent, comme je vous voulez. Je pense que ces principes sont à la fois triviaux et utopiques. Quels sont-ils déjà pour alors, commencer les si je me rappelle bien, il y en a quatre. Cinq. L'obligation de publier les résultats. Mm-hmm. Déjà. Divulguer et publier ouvertement les résultats. Y compris négatifs, mais ça devrait être vrai de toutes les sciences. L'évaluation des résultats du point de vue non seulement scientifique, mais également impact environnemental et impact sociopolitique, économique aussi. Donc ça se fait aussi déjà pour toutes les technologies émergentes. La réglementation par l'intérêt général par des organismes internationaux, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. Quel est l'organisme international qui serait susceptible de réglementer les expérimentations? Et enfin, le plus utopique, c'est la participation du public, c'est-à-dire de toutes les personnes susceptibles d'être affectées par les expériences. Or, cela, on ne voit pas du tout, étant donné l'ampleur des impacts des expérimentations, comment on pourrait mettre en place une telle participation du public. Olivier Boucher, vous les trouvez aussi utopiques, ces principes d'Oxford? Est-ce que c'est au moins une sorte de filet de sécurité à défaut de ne rien avoir pour pour encadrer justement ces recherches? Oui et non. Disons qu'il y a très peu de principes hein, en recherche en règle générale, et c'est uniquement sur une base volontaire d'adhérer ou non à ces principes. Il y a un problème d'expérimentation en milieu non confiné qui se pose pour la géo-ingénierie, mais pas que pour la géo-ingénierie. Il est un peu plus spécifique dans la géo-ingénierie parce qu'on touche à une grande échelle, et donc là il faut quand même différencier les expérimentations de petite échelle de celles de grande échelle. Mais effectivement, il y a un problème de gouvernance de la recherche qui se pose, et sur lequel on n'a pas vraiment de structure qui s'en occupe. Toute la question, on voit bien que la question centrale que pose la géo-ingénierie, c'est ce que vous notez d'ailleurs dans le rapport que vous avez, auquel vous avez participé l'un et l'autre, c'est la question de frontières, parce que tous les principes que vous énoncez, Barnett, Binceau, de Vincent, semblent évidemment des principes de bon sens, quand on touche, quand on modifie ou quand on commence à intervenir à l'échelle du climat de la planète entière. Et pour autant, à quel moment, où placer la limite, où placer la frontière, parce que ces travaux de géo-ingénierie vont peut-être être nécessaires vraiment finalement à très court terme ou à moyen terme, quand on verra que la lutte globale et internationale contre le réchauffement climatique n'est pas suffisamment engagée pour vraiment éviter des catastrophes à l'échelle mondiale. Ben moi, j'ai tendance à renverser votre argument. Mm-hmm. C'est pas un argument, c'est une question. La difficulté que pose, c'est certain qu'il faut faire quelque chose. Et ne rien faire, ça pose problème. C'est aussi éthiquement condamnable de ne rien faire. Mais il y a des alternatives. Il y a des alternatives qui sont des alternatives d'ingénieurs, déjà. Par exemple, aujourd'hui, l'agriculture en France est productrice de CO2, alors qu'elle devrait consommer du CO2. Donc, on peut notamment faire à cause du bétail. On peut faire une agriculture qui soit intensive écologiquement et avec de l'agroforesterie, etc. Et avoir une réforme très profonde de nos modes de consommation, de nos modes de production, etc. Mmh. Donc, il y a des alternatives. Il y a aussi des alternatives politiques, et la complexité des problèmes en jeu me tendrait au contraire à accélérer des initiatives comme les COP et comme les traités de Paris, etc. Mais dont on voit bien qu'elles sont extrêmement complexes à mettre en œuvre et qu'il suffit du changement de mais c'est encore plus complexe de mettre en œuvre les solutions techniques que les solutions politiques. Olivier Boucher, sur cette question de l'aléa moral et de la limite finalement. Oui, on touche là à des questions éthiques, hein, l'aléa moral, donc c'est un peu cet effet pervers qui consiste à dire que puisque on aurait la géo-ingénierie, eh bien on peut se permettre de continuer à ne pas remettre en question nos modes de vie. Voilà, alors on peut aussi retourner l'argument en disant la géo-ingénierie ne semble pas appropriée, et donc ça peut nous inciter à aller plus dans un cercle vertueux dont parlait Bernadette. Et donc moi je suis quand même dans l'ensemble, en considérant tout simplement plutôt de l'avis de continuer à faire des recherches de manière modérée. Il y a aussi un autre argument éthique qui est celui de la pente glissante. On dit puisqu'on met le doigt dans un engrenage et après voilà. Bon, il faut quand même espérer qu'on reste maître de ces choses-là, de nos décisions. Au final, je pense que ce sera sans doute les générations suivantes qui devront décider quoi faire. C'est-à-dire de finir d'arriver par prendre une décision faute de mieux. C'est-à-dire c'est le scénario Tina, hein, c'est There is no alternative. Donc allons-y maintenant, il faut mettre en œuvre ces solutions parce qu'on n'a plus le choix. Est-ce qu'il faut attendre de ne plus avoir le choix? Comment faire pour ne pas se retrouver en situation, en scénario Tina, Binceau de Vincent? Oui, il faut se hâter pour le coup. Et réfléchir vraiment à mettre en place toutes les alternatives globales, locales qu'on peut faire, et reprendre le problème global ensuite, enfin tout en même temps. Mais je veux dire que la solution du « on va y arriver » me paraît tout à fait utopique et non gouvernable. C'est surtout que ça qui est important. Et éthiquement, on ne peut pas mettre en danger les générations futures on a déjà affecté les générations futures avec le réchauffement climatique, on ne peut pas en rajouter par-dessus. Mais je vais continuer à me faire un peu l'avocat du diable. En tout cas, peut-être poser la question de l'échelle, puisque effectivement, les questions qui sont soulevées ou les problèmes, les risques à l'échelle globale sont ceux de voilà, enfin se joue sur justement à l'échelle du globe. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, je ne sais pas, Olivier Boucher, des solutions locales, c'est-à-dire réduire l'échelle pour essayer d'intervenir à la marge avant d'avoir à intervenir sur l'ensemble du globe? Oui, alors c'est quelque chose à laquelle on a réfléchi dans le cadre de notre atelier, c'était de voir s'il y avait des techniques de géo-ingénierie qui étaient plus locales. Alors, quand elles sont locales, ben, l'effet est plus local et souvent il est moindre. Qui sont à l'œuvre d'ailleurs, pardon de vous interrompre, mais la Chine utilise encore aujourd'hui, alors c'est de la géo-ingénierie météorologique et non pas climatique, mais la Chine utilise encore aujourd'hui des techniques de géo-ingénierie pour déclencher des précipitations en période de sécheresse ou en période de Jeux Olympiques à l'époque de Pékin. Mais enfin, aujourd'hui, il y a quelques solutions qui commencent à être mises à l'œuvre ponctuellement. Oui, alors c'est peut-être pas les meilleures, mais on réfléchissait à la possibilité de mettre en place ou de faire des recherches sur des techniques plus locales, mais qui sont finalement plus à visée d'adaptation. Donc, est-ce qu'on peut modifier l'environnement à échelle plus locale pour s'adapter au changement climatique sans avoir ce risque, ces effets sur l'environnement plus global? Par exemple, vous avez en tête, j'ai lu par exemple des idées ou des projets de modification de parties du désert du Sahara. Alors là, on est déjà à l'échelle régionale, mais à l'échelle locale, on peut réfléchir à des aménagements de la ville qui permettent de modifier le climat à l'échelle de la ville, de gagner un petit peu en température, en modifiant le cycle de l'eau, en modifiant l'habitat. Donc, mais on rejoint plus une problématique d'adaptation au changement climatique sur des échelles intermédiaires. Bernadette Binceau de Vincent, sur le changement d'échelle. Oui, sur le changement d'échelle, il y a un parfum très démesuré dans les solutions de géo-ingénierie. C'est du prométhéen, ça fait peur. Et c'est le paradigme de l'apprenti sorcier. Comment faire pour en sortir ? C'est le paradigme de l'apprenti sorcier. Et cette démesure touche à la fois l'échelle spatiale, parce que ça a des impacts sur l'ensemble de la planète, et l'échelle temporelle, parce qu'on peut créer des effets irréversibles qu'on ne contrôle pas du tout. Et d'une manière générale, c'est une attitude, je parlais tout à l'heure de notre rapport à la nature, ça relève de cette attitude caractéristique de ce qu'on appelle la période moderne, qui est de se croire maître et possesseur de la nature, et qu'on peut soumettre la nature à nos bons vouloirs, à nos désirs. Or, on en est revenu, il me semble, depuis un siècle. En tout cas, voilà, le paradigme, celui-là, en tout cas, est en train de changer. Voilà, il est en train de changer, on en est revenu, et c'est dans cette direction qu'il faut peut-être chercher des solutions. J'aimerais tout de même un mot d'Olivier Boucher. Comment faire pour casser ce fantasme de l'apprenti sorcier à partir du moment où on travaille, où on pense, où on recherche en géo-ingénierie? Il ne faut pas avoir de parti pris. Je pense qu'il faut vraiment regarder ces techniques pour ce qu'elles sont, avec leurs avantages et leurs inconvénients, et qui sont nombreux. Et donc voilà, il faut, je pense, faire un travail de recherche honnête sur le sujet. Et puisque nous parlons justement de l'avenir de la recherche, comme chaque mercredi à 16h52 dans la méthode scientifique, nous accueillons un ou une doctorante qui vient nous parler de ses travaux en cours et donc de l'avenir justement de ce que sera la science de demain. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Johanna Gouzouazi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en fin de troisième année de thèse à l'IRIST à l'Université de Strasbourg. C'est à vous. Merci. Dans mon travail de thèse, je cherche à interroger les discours traitant du recours à la géo-ingénierie à travers l'analyse d'un corpus varié qui comprend des productions scientifiques telles que des articles de recherche, des contenus médiatiques à destination du public de non-spécialistes ou des rapports destinés aux décideurs politiques. Les solutions envisagées en géo-ingénierie sont nombreuses et agissent selon des principes divers. Il est donc délicat d'en dresser un tableau unifié et cohérent. Injection d'aérosols dans la stratosphère, capture et stockage du dioxyde de carbone, fertilisation des océans. Autant de méthodes présentées par leurs défenseurs comme des moyens d'éviter la catastrophe climatique, de préserver nos modes de vie et notre économie actuelle, voire, pour certains, de rattraper le temps perdu. Vous l'aurez compris, la maîtrise du climat n'est plus du tout confinée au domaine de la science-fiction. Dans les exemples précédents, elle est présentée comme une solution séduisante à la lutte contre le changement climatique, d'autant plus qu'il semble évident que la communauté internationale ne parviendra pas à limiter le réchauffement à 2 degrés. Avec une approche ancrée en sociologie des sciences et sociologie politique, mon intention n'est pas de discuter les aspects techniques de telles interventions. Je m'intéresse plutôt aux enjeux sociaux et politiques soulevés par les discours qui les évoquent. Ainsi, mon objectif est de mieux comprendre les visions du monde qui sous-tendent la justification à leur recours. En effet, les éléments des discours expriment un cadre de pensée s'appuyant sur des conceptions communes du monde, du climat, de l'environnement et des échelles auxquelles nous les appréhendons. Cela inclut aussi les représentations de la capacité des sciences et techniques à expliquer et à maîtriser ces systèmes extrêmement complexes. Interroger l'épineux problème du recours à la géo-ingénierie, ce n'est pas simplement être pour ou contre, ou s'interroger quant au danger ou à la faisabilité de ces techniques. C'est interroger la construction d'un monde par le discours expert et en comprendre les processus de traduction vers l'action concrète. Par exemple, la création et le financement de programmes de recherche comprenant des phases d'expérimentation à l'air libre, jusqu'alors officiellement découragées, constitue une première étape vers l'usage de ces techniques à une échelle plus large. Petit point méthodologique à présent. Comment travailler à partir de sources aussi disparates que des publications scientifiques, des rapports et des articles de blog sur un sujet socio-technique qui ne fait pas l'objet d'une revue dédiée et dont le champ de recherche semble encore en cours d'institutionnalisation? Eh bien, je m'efforce de repérer les éléments récurrents présents dans les différents supports étudiés. Par exemple, je procède à une analyse qualitative des métaphores de l'environnement global et du climat dans les textes que j'étudie, en les traitant comme autant de zones de contact entre différents discours. Ces métaphores forment un ensemble d'éléments constituant un monde dans lequel le recours à l'intervention climatique devient justifiable. Elles sont aussi un référentiel commun pour les spécialistes de la question et pourraient leur permettre de se reconnaître dans une identité collective, tout en nous donnant à voir des indices de l'émergence d'une communauté scientifique à part entière. Je cherche à comprendre comment les acteurs articulent leur argumentation en fonction d'un problème d'échelle et de testabilité évident. Ce problème est lié aux difficultés à déduire des conclusions générales, c'est-à-dire globales et sur le long terme, à partir d'une expérimentation locale et ponctuelle. À moins que plaider de manière répétée pour l'expérimentation ne soit simplement une façon d'avancer vers la visibilité et la légitimation de l'ingénierie climatique, de rendre cette approche de la crise climatique testable, donc acceptable. Il se trouve que l'expérimentation en plein air est un enjeu évoqué de façon répétée dans les articles et rapports consultés. C'est bien ainsi que l'analyse du discours devient pertinente. Je fais ma recherche à partir de mots révélateurs de quelques idées. Et on a parfois tendance à penser que les mots sont inoffensifs. Alors, parlons futur climatique, explorons toutes les solutions, sans oublier pour autant les plus humbles. En gardant à l'esprit que les discours sont toujours émis dans un but particulier et que dire le monde, c'est déjà le faire. Eh bien, merci beaucoup, Johanna Gouzouazi. Vous voyez, vous avez non seulement parfaitement résumé les enjeux et la teneur de nos débats au cours de cette heure, mais j'espère que nos débats eux-mêmes viendront enrichir vos travaux. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Bernadette Binceau-de-Vincent. C'est oui, tout le problème a été posé en 4 minutes, finalement. La question du non-confinement qui est fondamentale pour la conduite des expérimentations. Ça, c'est certain. Olivier Boucher, une réaction. Je voulais prendre des notes. Oui, non, c'est très, très utile. Je pense que c'est un très bon résumé de nos discussions. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'être venus poser ces questions et ces enjeux du travail de recherche sur la géo-ingénierie. Merci beaucoup, Johanna Gouzouazi, d'être venue nous exposer vos travaux de thèse. Merci à vous, Bernadette Binceau-de-Vincent. Merci, Olivier Boucher. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que toutes les autres, ainsi que la recherche montre en main sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Hugo Bartholomeï, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Alex Dang à la technique, Elisabeth Gornescoto au droit d'auteur.